Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves Barbichette Fleury est à la technique, Daniel à votre compagnie, pour vous présenter avec Dominique et Serge, Patchwork numéro 42, à l'écoute des musiques du monde. Alors la programmation d'aujourd'hui vous propose un voyage en Guinée, trois coups de chapeau à Myriam Makeba, une promenade comme ça, autour du mot « femme ». Pourquoi femme ? Ah, vous comprendrez. Et le tout étoilé de Zou Cantillé. Bonjour Dominique. Bonjour Daniel. Comment va ? Bien, écoute, en votre compagnie, moi je suis toujours bien. T'as pas gratté le pare-brise aujourd'hui ? Pas encore. Pas encore. Gratté autre chose peut-être, mais pas le pare-brise. Le dos de qui ? Serge. Pardon ? On l'a oui, perdu. Bonjour à tous. Oui, bah moi, bonjour, je suis bien Serge. Aussi, on est bien ensemble là sur Fagette, et puis on va passer une heure de dépaysement. Oui, alors aujourd'hui, bien sûr, c'est le Patchwork numéro 42, mais moi je voudrais vous dire que j'écoute avec un très grand plaisir votre émission, une nouvelle émission sur Fagette, qui passe donc le jeudi à 17h. 17h, ouais. Alors au départ, c'était prévu pour être une émission mensuelle, et puis, bon, on en faisait deux, puis maintenant, bah, c'est toutes les semaines, hein. Voilà, après ça, voilà. Tous les jours. Alors, formidable. Je dois t'es vous très dire. Gentil, t'es non, très je dois... gentil. Non, si, c'était très gentil. Si, tu viendrais que je te donne oui. L'argent comme prévu. Bon, de toute manière, je ne vais pas vous dire le contraire, mais je le pense vraiment. Une émission relaxante. Alors, je m'adresse là aux auditeurs que nous avons de Patchwork et de la cerise sur le canto. Eh bien, écoutez, allez les écouter. C'est le jeudi après-midi à 17h. Et leur émission, ça s'appelle Coup de cœur. Merci en tout cas. Merci Daniel. Merci Daniel. Alors, on va commencer cette émission par un nouveau tube de Mouriel, accompagné de Niaou Ritacoin, ma belle antillaise, Mouriel Niaou Ritacoin. Mouriel de retour. Ma belle antillaise. Que soit l'hiver ou l'été, avec moi c'est ça. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, chez moi c'est comme ça. Dis-moi si ça te va, ok pour moi. Maintenant tu ne bougeras pas, si c'est chez moi. En Guadeloupe, car ici c'est chez moi. Trop Allez, on est ensemble aujourd'hui pour parler de la Guinée. Sachez que la Guinée est indépendante de la France depuis 1958. La République de Guinée est aussi appelée de façon non officielle la Guinée-Conakry, pour ne pas être confondue avec la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest, avec comme voisin le Sénégal, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Guinée-Bissau, bien sûr. Alors, bordé par l'océan Atlantique, son point culminant est le mont Nimba, à 1752 mètres, et il faut savoir que le pays est traversé par le fleuve Niger. Et la population de la Guinée est de 13 millions d'habitants, et Conakry, avec sa capitale, la capitale Conakry est de 2 millions d'habitants. La langue officielle, c'est le français, mais 25 langues nationales sont parlées, parmi elles le malinké, le soussou, le peul, le kissi, le guerzé et le toma. 88% de la population est musulmane. Bah, de toute façon, Daniel, je ne sais pas si tu sais, mais Dominique parle couramment le soussou. Ah. Oui. D'ailleurs, je suis même déçue parce que je pensais que tu allais venir avec ton pagne. Non, je te l'ai demandé. La prochaine fois. Oui, je serai plus. Allez, soyons sérieux. L'économie guinéenne. Oh, pardon. Bah ouais, est largement tributaire de l'agriculture et de la production minière. Et l'agriculture, parlons-en. Le mil. Le fonio sont les principales cultures, mais aussi l'arachide, un peu de riz, du manioc, banane plantain, patate douce, un peu de maïs, graines de palme, mangue et ananas. Secteur minier, la ressource principale, c'est la bauxite avec laquelle on fabrique l'aluminium, qui représente un tiers des réserves mondiales. J'ai bien dit, un tiers des réserves mondiales de bauxite, c'est en Guinée. Et puis alors, le diamant, le fer, le pétrole, l'uranium, les phosphates et le manganèse. Alors attention, parce que, écoutez bien, le salaire moyen mensuel en Guinée est de 60 euros. J'ai bien dit 60 euros. Ça fait pas lourd. Ça fait pas lourd, comme tu dis. Allez, on écoute maintenant Fousseni Diallo, Yayanko. La balle est dans le côté. Alors, comme on vous l'a annoncé précédemment, il y aura trois coups de chapeau à Myriam Makeba dans cette émission. Myriam Makeba est née en 1932 en Afrique du Sud, à Johannesburg. Elle est décédée en 2008 en Italie. C'était une chanteuse ethno-jazz et une militante politique sud-africaine qui était naturalisée guinéenne dans les années 60, ainsi qu'algérienne en 1972. Et c'est en 1956 qu'elle écrivit son plus grand succès, la chanson « Pata Pata » avec laquelle elle fit le tour du monde, « Pata Pata » Myriam Makeba. Balade autour du mot femme en Guinée. Ah, vous comprendrez pourquoi. Rassurez-vous, Dominique est là et elle veille au grain. Alors, Les droits de l'homme et la condition de la femme sont des sujets dont il convient de parler en ce qui concerne la Guinée. Le taux de fécondité actuel est de 4,8 enfants par femme. Le taux de mortalité infantile suivant le rapport entre le nombre d'enfants décédés à moins de 1 an et l'ensemble des enfants nés vivants est de 51%. Ça veut dire que il y a un enfant sur deux oui. qui n'arrive pas à un an. Voilà. Eh ben bravo. Oui. Toutes les femmes sont belles. Franck Michael. Toutes les femmes ont un sourire qui parle au cœur. Quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certaines ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais. Car la beauté de l'âme reste cachée. Toutes les femmes sont belles. En Guinée, des tensions existent. Les barrages de police sont nombreux et les bandes armées également. Et la corruption est largement répandue. Alors, conseil, prudence, prudence. Oubliée des touristes, la Guinée propose pourtant de beaux paysages de l'ouest africain, entre montagnes, forêts tropicales et superbes plages sur le littoral. La réserve naturelle du mont Nimba, classé UNESCO, les belles régions côtières de Basse-Guinée, les savanes du Nord, les cultures et les ethnies. Alors, à l'inverse de chez nous, le climat tropical est caractérisé par deux saisons, la saison sèche de novembre à avril et la saison des pluies. Cela étant, la mer est toujours chaude. Et dans la capitale Conakry, il est possible de voir les sites historiques tels que la mosquée Fessal et ses 13 000 places ou le pénitencier de Fotoba. Les habitants de la ville respectent encore les diverses coutumes laissées par leurs ancêtres. Et en dehors de la capitale, la zone de Fouta Djallon offre des possibilités de randonnée extraordinaires. Et le littoral offre de belles expériences avec ses grandes plages vierges et ses mangroves. Alors maintenant, pour les plus aventureux, l'île de Tristão est un must. On y verra des lamantins, des tortues et de nombreuses espèces d'oiseaux. C'est un endroit très isolé avec de nombreuses traditions animistes encore en pratique. Côté faune, si certains animaux ont vu leur nombre diminuer de façon notoire, tels le lion, l'éléphant, la panthère et surtout l'hyène, certaines espèces sont toujours très répandues, comme les singes, les chimpanzés, les phacochères et les agoutis. Il existe aussi un crapaud vivipare unique au monde. Je me demande si ce n'est pas le fameux halite, le crapaud accoucheur. Allez. Partons pour un petit côté musical avec Africa, Salif Keita. Maintenant, deuxième coup de cœur, coup de chapeau, Myriam Makeba. Des formations professionnelles. Oui. Allez, coup de chapeau, mais coup de cœur aussi, en fin de compte. Mais bien sûr, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Myriam Makeba chantait en Zoulou, en Xhosa, en Tswana, en Swahili et en arabe. Et chantait-elle en Soussou? Alors ça, il faut demander à Dominique, hein, c'est la spécialiste Soussou sur Nancy. Hein. Alors, bon, Myriam Makeba, ses mélodies chantaient surtout la tolérance et la paix. Et elle a toujours rêvé, en fait, d'une grande Afrique unie. Et pour son pays, elle exhortait ses frères noirs au pardon. Il faut nous laisser grandir. Les noirs, les blancs doivent apprendre à se connaître et à vivre ensemble. Caracol, Myriam Makeba. Parlons maintenant d'un sujet sensible. En Guinée, les mutilations génitales féminines sont pratiquées au sein de toutes les ethnies, toutes les religions et tous les milieux socio-professionnels. Et cette pratique tend à augmenter en Guinée. Le pays occupe ainsi le deuxième rang au classement mondial. 97% des femmes de 15 à 49 ans sont excisées. Et pourtant... Alors, pourtant, il faut quand même le préciser, même si l'excision représente une violation aux droits de la femme, elle est pourtant défendue par un grand nombre de femmes et de communautés, car elle fait partie de la tradition depuis des générations. Une femme à 40 ans, Dalida. Au soleil de mes 18 ans, je voguais sur des bateaux. vie ressemblait à un livre. Je tournais les pages d'un roman où tout me semblait trop facile. J'ai eu le succès, l'argent, et j'ai connu le mal de vivre. J'ai dépensé beaucoup de temps avant de pouvoir vous le dire. Entre l'automne et le printemps, on est une femme. Spécialité culinaire en Guinée. La sauce feuille de patate se prépare avec des feuilles de patate douces, de la viande, du poisson frais type vivano ou tilapia, gombo et assaisonnement. Également la soupe de boulettes de poisson. Alors, boulettes de poisson cuites dans une sauce tomate avec d'autres légumes, du riz blanc, du couscous, igname et même spaghetti. Sauce feuille de manioc, plus viande de bœuf ou autre poisson, oignon, gombos, piment, crevettes séchées ou écrevisses pilées, et on peut rajouter de la pâte d'arachide. Une petite soupou, kokoé, une sauce de poisson fumé. Alors toujours en Guinée, on peut déguster la sauce de gombo avec de la viande de bœuf, de mouton, de chèvre ou de poulet. Sauce arachide ? Avec des cacahuètes, bien sûr, avec du poulet, du poisson ou du bœuf, tomates séchées, fraîches, oignons, piment et poivre noir. Et un petit tieboudienne, ou riz, au gras, du riz, du poisson, tomates, persil, carottes, pommes de terre, oignons, piment, huile d'arachide et gombo. Bah, Dominique, t'as pas dit les quantités, là. 100 grammes, 50 grammes. Oh, ça fait beaucoup. Ça va être difficile pour aller chercher tout ça. Alors, également du ragoût de tubercule Keitouni. Alors, manioc, igname et patates douces bouillies, viande hachée et écrevisses. Et puis du lait caillé, une sorte de yaourt crémeux, un peu aigre. Et pour la boisson, bien sûr. Et pour accompagner tout ça, du jus de bissap, une boisson obtenue à partir de fleurs d'hibiscus séchées. Ou encore, je vois du jus de gingembre. Ouh, c'est aphrodisiaque, ça. C'est aphrodisiaque, ouais, ouais. Avec de l'ananas, du citron et du sucre. C'est parce que tu bois tous les jours ? Moi, je bois que ça maintenant. Mais pas... Non, il boit aussi du jus de céleri. Il paraît que ça marche aussi. Ah bon ? Ouais, oui. Gâteau de Guinée, ben ce sont tout simplement des beignets. Tiens, comme ceux qui sont là ce matin sur la table. Oui. Mambou, Sekumba, Bambino. Ma chérie, moi je t'aime. Ma chérie, kani du manye. Jamie diana mon faran du sou, kasi la du sou, kasi maninye. Yafa, diana mole yafama, nino bake kumkela, mijugumane, nibila lira yafama, ntualaye, yafa, diana mole. Na yafa, diana mole yafama, nino bake kumkela, mijugumane, nibila lira. Tu allez, Gianni, farà du suo casino. Ya fan di una moca ni yo go ya fa. Ya fa, andi una moca. Ya fan di una moca fu du yo go ya fa. Ya fa. Fula manika kando tunyere le kumaudi kuya yekini ne diamam fema mfene tensuadi tunyaye kini ne diamam fema mfene landadi naduteka ni mindo lanate furumindo kono naduteka ni mindo nate furumindo furuduma utinyato jandi yafa. Yafan diana mo kani yogo yafa, yafa diana mo. Yafan nantara sinima mbona yelenila, yafa diana mo. Yafan nantara suare dala idon nefe, yafa diana mo. Alibam mon milili diana mama ni madusu sumalaka ote diala ye Jesus sumalaka diana ka o finali wala Alibam mon milili diana mama ye dusu sumalaka sanile ngondi diana mama ye dusu sumalaka Avion di diana mama ye du susumalaka Aliba vila kile di diana mama ni ma du susumalaka Ote diana ye Du susumalaka diana ka O finali wala Fara finkele kusa mosola diala Fara diana mola kumbondo Kake kudinyere ni Ada bambu Ada diana mola bambu Idiana mo, bambo, bambo, oh, Idiana mo, bambo, Ashiri kadimi, bambo, iti elena, iti ele, bambo, Ashiri iti ele, bambo, iti sawa, te sawa, bambo, iti ele, adini kadimi, bambo, iti ele, iti ele, bambo, Ashiri iti elena, bambo. À présent, troisième coup de chapeau à Myriam Makeba, qui a été décorée par la France au titre de commandeur des arts et lettres en 1985, et elle est devenue citoyenne d'honneur en 1990. Et c'est la même année que Nelson Mandela la persuada de rentrer en Afrique du Sud. Pourquoi ? On se souvient qu'elle était née à Johannesburg. Ouais. Et en 1999, elle fut nommée ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Actuellement, le prix international Myriam Makeba récompense la créativité artistique dans le continent africain. Et on continue avec Emma Basni, Myriam Makeba. La violence la plus répandue en Guinée est la violence conjugale, conjugale, à hauteur de 80%. Oui, là on revient à des choses sérieuses. Et étonnamment, bon, bien que les voies de recours soient médicales, psychosociales et juridiques, eh bien, les familles préfèrent résoudre le problème à l'amiable au lieu de dénoncer ces atrocités. Bien sûr, ces recours existent, mais la plupart des victimes ne peuvent pas bénéficier de ces voies de recours. Et les femmes subissent ces violences parce qu'elles vivent dans un pays où la population reste fortement influencée par des traditions ancestrales qui prônent la domination de l'homme sur la femme, jusqu'à tolérer la violence physique comme forme acceptée de correction de la femme par son mari. L'État guinéen devrait savoir qu'il ne s'agit pas seulement d'écrire des textes de loi et de les garder dans les tiroirs, mais il s'agit vraiment de les appliquer. Alors écoutons maintenant un charmeur, Julio Iglesias, vous les femmes. Vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous désarment. Vous les anges adorables, que nous sommes, nous les hommes pauvres et diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame. Vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable. Dès que notre bouche sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis son éclat. On le fout des jalousies et ça vous flatte. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous désalment. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable. Pas toujours facile de savoir quoi ramener d'un voyage en Guinée. Alors par exemple, au marché ou sur les bords des routes, eh bien, les locaux vendent leurs créations. Mais alors attention, le mot d'ordre lors des achats, c'est négocier, négocier. Pourquoi ? Parce que blanc égale argent. Côté spécialité culinaire, on trouve de délicieux fruits à profusion, ananas, mangue, avocat, banane, et puis des confitures réalisées par les femmes guinéennes, confitures de papaye ou confitures d'ananas. Côté artisanat, la sculpture est un art dominant. Le bois est présent dans toutes les régions, ustensiles de cuisine, tabourets, tables, bijoux, statues, masques, etc. Rapporter un djembé, c'est ce que c'est qu'un djembé ? Non. Oh, c'est un espèce de tam-tam. Ah oui, oui, oui, oui. Un djembé ou un instrument de musique local. Oh, déjà dans l'avion, pour ramener ça, ça fait quand même un peu beaucoup. Oui, hein. Mais ça constitue quand même un très beau souvenir. Alors, vers Kindia, les femmes brodent des coussins avec de magnifiques tissus guinéens. N'oublions pas d'ailleurs que ce sont les femmes guinéennes qui sont les premières à fabriquer la teinture d'indigo. Oui, enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait les femmes guinéennes, ce sont les femmes peules. Oui. L'indigo provient de l'indigotier, qui donne une substance bleue violacée. Alors également de la vannerie, des paniers, des nattes, des chapeaux. Et les vêtements dans les villes de Timpi, Madina et Pita, les tissus y sont incroyables. Dans les marchés en Guinée, on trouve du slip au chapeau, de la serviette au tong, du short au pull. Et surtout, n'oubliez pas, le maillot de foot de la Guinée. La Guinée, Fatou Mata Kamisoko. Région Conakry, 12 millions d'habitants environ. La superficie de la Guinée est de 145 857 km². La Guinée, mon beau pays, on m'a un peu de tout. La Guinée, ma tante Barale. La Guinée, Yamanaka, on a l'or et le diamant. Anna Yamanaka, Box City, Yamananika, oui, Yamananika. La Guinée. Le fer, le cuivre en Guinée. Farafini, Faragalou, Djako, la Guinée, sa tour d'Afrique. On a 1561 cours d'eau, la Guinée, mon beau pays. Oscondo Yamanaka, Mongangano Takloumaye. En Guinée, 21% des filles se marient avant l'âge de 15 ans et 55% avant 17 ans, l'âge légal du mariage pour elles. Quitter l'école à 14 ans pour épouser un homme choisi par ses parents, c'est le sort malheureusement réservé à beaucoup de jeunes Guinéennes. Alors les conséquences néfastes de ces mariages précoces et forcés sont multiples. Alors la première, qui est dramatique, ce sont des grossesses pour lesquelles le corps des très jeunes filles n'est pas prêt. Et bien, effectivement, les décès des mères sont fréquents. Et l'immaturité des jeunes mères entraîne souvent des mauvais traitements à l'égard des enfants. Et pourtant, le mariage précoce est forcé et formellement interdit par la constitution guinéenne, tout comme la polygamie. Mais ça, c'est une autre histoire. La femme grillagée, Pierre Perret. Écoutez ma chanson bien douce, que Verlaine aurait su mieux faire. Elle se veut discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse. C'est la complainte de l'épouse, de la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen-Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Elle ne prend jamais la parole en public, ce n'est pas son rôle. Elle est craintive, elle est soumise, pas question de lui faire la bise. On lui a appris à se soumettre, à ne pas contrarier son maître. Elle n'a droit qu'à quelques murmures, les yeux baissés sur sa couture. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elle respecte la loi divine qui dit par la bouche de l'homme que sa place est à la cuisine et qu'elle est sa bête de somme. Pas question de faire la savante, il vaut mieux qu'elle soit ignorante. Son époux dit que les études sont contraires à ses servitudes. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité.